Nous entendions la pièce-titre de leur plus récent mini-album Psyché, qui est paru le 1er décembre 2023 et qui a été réalisé par Jean-Pierre Mercier, leader de la formation Handful of Snowdrops. Et maintenant, c'est au tour du défunt groupe français Noir Désir d'assurer la continuité à Audiomatic. Sangliers sont lâchés. Je répète, les sangliers sont lâchés. Les petits patrons font les grandes rivières de diamants. Deux fois. Les roses de l'Europe sont le festin de Satan. Je répète, les roses de l'Europe sont le festin de Satan. Aristocrate et libertaire, bourgeoise et ouvrière, pour prépomponner des grands siècles et colosses titubants. Regarde tes épaules voûtées, pas moyen d'épousseter d'un seul geste, d'un seul, les vieilles pellicules, les peaux mortes d'hier et tabula rasa. D'ici, on pourrait croire à de la pourriture noble et en suspension. Il flotte encore dans l'air de cette odeur de soufre. Sale vieille Europe, celle qui entre deux guerres et même encore pendant caressait pour son bien le ventre des pays de ses lointains ailleurs. Et elle habite à la main arrosée de son sperme les sexes autochtones. On se relève de ça, on se relève de tout, même des chutes sans fond. Nous avons su monter, nous avons su descendre, nous pouvons arrêter et nous pouvons reprendre. Europe des lumières ou alors des ténèbres, Europe des lumières ou alors des ténèbres, à peine des lumières.

rimmel de l'Europe coule sur les plastrons, voire pour le monde. Deux fois. Nous travaillons actuellement pour l'Europe. La vie commence maintenant. Et maintenant. Et maintenant. L'Europe est une petite déesse mortelle. Deux fois. L'enfance de l'art est un lever de soleil. Je répète, l'enfance de l'art est un lever de soleil. Pour l'Europe, voire pour le monde. Nous travaillons actuellement pour l'Europe. Nous travaillons thank you. travaillons actuellement pour l'Europe. À Audiomatic, c'était le groupe français Noir Désir, qui a été formé à Bordeaux en 1980 et qui s'est dissous officiellement en 2010. De son dernier album studio « Des visages, des figures » paru en 2001, nous entendions la chanson « L'Europe », dont la musique a été composée par le groupe Noir Désir en collaboration avec le multi-instrumentiste hongrois Ákos Széleveni et les paroles écrites par Bertrand Kanta, chanteur de Noir Désir, et la chanteuse, comédienne, écrivaine, dramaturge et parolière française, Brigitte Fontaine. En conclusion de cette transmission 4-7-4 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du projet japonais Worlds and Girlfriend, mené par Katsuhiko Maeda. De son troisième album studio Dreams and Come True, paru en 2002, nous écouterons la pièce All Imperfect Love Song. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic.cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Worlds and Girlfriend et sa composition All Imperfect Love Song. C'était Audiomatic avec les sonoristes. nasconde. Ew.